de fées en français. L'histoire des quatre élèves. Il s'agit de l'histoire de quatre amis élèves. Samuel, Khaled, Jean et Bilal. Ils vivaient ensemble dans un petit village. Tous les quatre étaient les étudiants d'un professeur qui vivait dans la forêt. Le professeur était un homme simple, mais très intelligent. Les élèves respectaient leur professeur. Chaque jour, ils écoutaient très attentivement leur professeur. Mes enfants, tout le monde peut apprendre, mais les compétences seules ne vous mèneront nulle part. Il faut apprendre à les utiliser avec sagesse. Samuel, Khaled et Jean apprirent plusieurs compétences. Khaled pouvait guérir une blessure sans la toucher. Samuel pouvait réparer un pot cassé. Jean pouvait ramasser des feuilles mortes et les rattacher à un arbre. Mais Bilal était le plus lent de tous. Il ne pouvait rien faire de tout cela. Les trois amis se moquaient toujours de Bilal. Oh, allez le pot! Répare-toi! Répare-toi! Bilal a appris une nouvelle compétence. Il peut parler au bout de pots cassés. Ah oui, mais les morceaux cassés n'ont pas appris à se réparer. Les pauvres morceaux. Mais Bilal ne se plaignait jamais. Professeur, qu'entendez-vous par bon sens? C'est facile. Le bon sens, c'est lorsque l'on pense avant d'agir. Un jour, Samuel, Khaled et Jean décidèrent de voyager hors du village. Ce village est trop petit. Nous ne serons jamais les plus intelligents si nous vivons ici pour le reste de notre vie. Nous devrions voyager pour en apprendre davantage. Je suis d'accord. Nous avons appris toutes les compétences que nous pouvions. Maintenant, nous devons avancer. Et pour Bilal? Devrions-nous lui parler d'abord? Oh, il est stupide et inutile. Il sera seulement un fardeau pour nous. Non, Khaled. Nous sommes plus forts que lui. C'est notre devoir de le protéger. Nous devons l'inviter à voyager avec nous. Ils réunirent vêtements et nourriture et se préparèrent pour leur voyage. Rappelez-vous, les enfants, un homme avisé réfléchit toujours avant d'agir. On s'en rappellera, professeur. On s'en rappellera, professeur. On s'en rappellera, professeur. On s'en rappellera, professeur. Les étudiants dirent au revoir à leur professeur. Après une marche d'une demi-journée, ils étaient fatigués et voulurent se reposer. Mangeons notre déjeuner ici. Un homme avisé stocke toujours son énergie pour de prochaines aventures. Alors qu'ils s'apprêtaient à s'asseoir sur un rocher, Bilal vit quelque chose. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, Bilal, est-ce que tu aurais peur d'un tas d'os maintenant? Je me demande à qui sont ces os. Je peux t'assurer qu'ils appartiennent à un lion. Il a dû mourir de faim. Un lion? Oui, regarde la structure de ces os. Je suis sûr que ce sont des os de lion. Oh, attends, pourquoi ne pas tester mes compétences sur lui? Quelle belle façon de pratiquer! Je vais réorganiser ce tas d'os en un squelette de lion. Quoi? Avant que quiconque ait pu dire quelque chose, Samuel commença à réciter des mots de magie. Tout à coup, une forte lumière apparut sur le tas d'os et il se transforma en un squelette de lion. Les trois frères étaient surpris. Tu vois, ne te l'ai-je pas dit? Il faut être aussi intelligent que moi pour faire ça. Tu penses que tes compétences sont les meilleures? Je peux remettre de la peau sur ce lion. Il aura une fourrure, une peau, des ongles, des dents. Tout ça en seulement quelques minutes. Des ongles? Des dents? Khaled, ne fais... Mais Khaled avait arrêté d'écouter. Il récitait maintenant des mots de magie. Soudain, le squelette avait des yeux, une peau, de la fourrure, des ongles et bien plus encore. C'était maintenant un vrai lion mort sur le sol. N'est-ce pas magnifique? Ça fait peur! Pourquoi as-tu fait ça? Car je suis le seul à pouvoir le faire. Avec mes compétences, je peux ramener quoi que ce soit. Le lion avait perdu sa peau et son corps. Je l'ai ramené. N'est-ce pas le plus grand des talents? Tu penses être le seul à pouvoir ramener quelque chose? Tu ne sais donc pas quelles compétences j'ai appris. Je peux faire revivre ce lion, voyons. Quoi? Oui, Bilal. Alors, qui est le plus intelligent maintenant, d'après toi? Il ne peut pas décider avec simplement tes paroles, Jean. Fais-le et montre-lui pour qu'ensuite il puisse décider qui est le plus intelligent. Je ne sais pas qui est le plus intelligent, mais je sais qui est le plus fort. Le lion! Ne fais pas ça, Jean! S'il te plaît, écoute-moi! Ah! Alors que maintenant tous mes amis ont testé leurs compétences, tu ne veux pas que je teste les miennes? Et tu te considères comme un bon ami? Khaled avait raison. Nous aurions dû te laisser au village. Mais le professeur a dit... Tu vas nous apprendre ce que le professeur a dit, toi? Celui qui n'a jamais appris aucune compétence? Tu n'as pas confiance en tes amis, c'est ça? Tu as raison, Jean. Il n'a pas appris une seule compétence. Comment pourrait-il savoir l'importance de la pratique? Bilal, juste parce que tu n'as aucune compétence à nous montrer, tu ne veux pas que l'on teste les nôtres? Tu es jaloux de nous. Oh, j'ai une compétence qui est suffisante pour me sauver la vie. Le bon sens, c'est lorsque l'on pense avant d'agir. Oh, oh! Ne soyez pas si énervés, mes amis. Je ne vous arrêterai pas maintenant. Mais avant de commencer, permettez-moi de grimper à un arbre. Si le lion me mange, comment pourrais-je vous dire qui est le plus intelligent? Tu es un lâche. Tu dois affronter n'importe quelle situation. Je ne vais pas mentir à mes amis, mais je ne peux pas battre un lion. Et j'aurai une meilleure vue du haut de l'arbre. Je pourrais alors décider qui est le plus intelligent. Bilal grimpa rapidement à un arbre voisin lorsque Jean commença à réciter son sort magique. En quelques minutes, une brillante lumière apparut sur le lion mort et il ouvrit les yeux. Les trois élèves sautèrent de joie. Ils avaient prouvé leurs compétences. Mais leur sourire disparut rapidement. Le lion se leva et rugit de colère. Courez! Le lion est en vie! Sauvez-vous, vite! Mais les étudiants avaient tellement peur qu'ils ne purent bouger. Le lion affamé bondit sur eux d'un coup. Les pauvres étudiants ne purent rien faire pour se sauver. Le lion les mangea tous les trois un par un. Bilal était assis sur l'arbre et regardait toute la scène. Une fois le lion parti, Bilal descendit de l'arbre. Il vit qu'il ne restait que les os de ses frères. Vous étiez tous intelligents. Mais si seulement vous vous étiez rappelé les derniers mots du professeur, vous n'auriez pas terminé ainsi. Rappelez-vous, les enfants, l'homme qui est sage est celui qui réfléchit avant d'agir.